des raisons, voilà. Si c'est de l'amour de piller, voler. Si c'est ça l'amour de souffrir, détruire. Si c'est ça l'amour, alors aime-moi. Je ne suis plus vraiment sûr de rien.